Salon professionnel. Clarissa Rivière. Sybille et Laurent étaient amants depuis quelques mois. Sybille se demandait parfois pourquoi il avait tenu à s'encombrer d'une maîtresse vu le peu de temps qu'il lui consacrait et les soucis que cela lui causait. Il était marié, embourbé dans d'innombrables contraintes professionnelles et familiales, quand elle était libre comme l'air. Elle aurait voulu avoir le courage de rompre, souvent déçue de son manque d'empressement. Mais elle l'avait dans la peau, lui écrivait sans cesse, le relançait, évitant de justesse de le harceler, ignorant délibérément ses signes de lassitude. Ils se retrouvaient à l'occasion pour déjeuner ensemble, s'aimaient en cachette, quand l'emploi du temps bien rempli de Laurent lui permettait de s'échapper. Trop rarement au goût de Sybille, qui le pressait de lui fixer de nouveaux rendez-vous, le plus souvent possible. Et lorsqu'il réussissait enfin à se voir, il lui parlait de ses projets professionnels au lieu de lui murmurer des mots doux au creux de l'oreille. Ce jour-là ne faisait pas exception à la règle. Laurent évoquait ses dossiers en cours, ses difficultés avec ses employés. Un long monologue qui n'enflammait que lui. Sybille, bercée par le son de sa voix, s'ennuyait un peu. Elle ne l'écoutait plus, mais contemplait ses yeux bleus, son sourire, se demandait quand il allait enfin l'embrasser. Et il n'y avait pas moyen de le croquer dans un recoin de ce restaurant branché. Il pourrait, par exemple, descendre cet escalier au fond de la salle ou explorer l'arrière-cour. Sybille dressa l'oreille. Il était question d'un salon professionnel en province. « Cette semaine-là, expliquait Laurent, nous ne pourrons pas nous voir. Il me sera difficile également de t'appeler. Je serai occupé du matin au soir à nouer des contacts et prendre des rendez-vous. » Dans l'imaginaire de Sybille, le restaurant s'effaça pour laisser place à un nouveau décor. Une chambre, une suite plutôt, avec un lit immense, des draps de soie, leurs deux corps nus roulant l'un sur l'autre, s'étreignant follement. Sybille lui coupa la parole, moyennement passionnée par le programme des conférences. « Oh, mais c'est génial, ça! Je pourrais te rejoindre pour quelques jours, depuis le temps que l'on rêve de passer une nuit entière ensemble sans surveiller l'heure. » Laurent ouvrit de grands yeux. Il n'avait pas pensé à cette éventualité. Il secoua la tête. C'était tout simplement impossible. Il emmenait plusieurs collaborateurs, il était hors de question qu'il se doute de quoi que ce soit. En outre, il serait pris toute la journée, comme il le lui avait dit. Les rencontres s'enchaîneraient, sans compter les présentations auxquelles il souhaitait assister. Même ses soirées seraient occupées par des cocktails, des dîners professionnels, des galas. Il se verrait à peine. « Il nous restera le meilleur ? Les nuits ? Allez, dis oui, c'est une occasion unique. Je ne te gênerai pas, je serai discrète comme une petite souris. » Laurent se sentait fatigué d'avance. Il imaginait sa volcanique maîtresse attendant son retour en lingerie fine, toute griffe dehors, pleine d'énergie après s'être prélassée toute la journée. Il s'abattrait épuisé sur le lit, elle se jetterait sur lui comme une furie, arracherait ses vêtements, le presserait de caresses et de baisers, le sucerait à mort jusqu'à tirer la substantifique moelle. Une succube des temps modernes, jamais rassasiée. Elle le laisserait exsangue aux petites lueurs de l'aube, s'endormirait profondément quand lui se lèverait pour rejoindre la cohorte des hommes en costume sombre. Il frissonna devant cette vision d'apocalypse et tenta de la dissuader par tous les moyens. « Je rentrerai crevée, il faudra que je me couche tout de suite, car je me lèverai tôt le lendemain. » Mais quel rabat-joie, il ne pensait qu'à se reposer. Sybille s'efforçait de rester patiente. Elle insista gentiment, surtout pour ne pas l'effrayer. « Promis, je te laisserai dormir. Ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, tu me connais. » Ses yeux brillaient de mille feux. Laurent ne put lutter plus longtemps. Il soupira, finit par céder, amusé et agacé tout à la fois. D'accord, elle pouvait venir avec lui à son congrès puisqu'elle y tenait tant. Mais il ne voulait pas de reproches ni de grincements de dents. Il ne pourrait pas s'occuper d'elle. Il ne se verrait qu'un peu le soir au moment de se coucher. Et le matin, alors qu'il serait pressé de se préparer et de rejoindre les autres participants au salon. Sybille ne l'écoutait plus. Elle riait dans ses mains, ne parvenant pas à dissimuler sa joie. Elle promit tout ce qu'il voulut et lui sauta au cou, trop heureuse qu'il veuille bien l'emmener. Tout lui était égal. Rien ne valait le bonheur de dormir quelques nuits dans son lit, tout près de sa chaleur et de son odeur. De retour au bureau, Laurent expliqua à ses collaborateurs qu'il y avait eu un souci lors de la réservation de leur chambre. L'hôtel où ils se trouvaient d'habitude avait fait une erreur. Il manquait une chambre et, en raison du congrès, il affichait désormais complet. Mais pas d'inquiétude, il s'était trouvé une chambre dans un autre établissement. Si ses collègues soupçonnèrent une embrouille, ils eurent la sagesse de ne pas le montrer. Ils se contentèrent d'échanger des clins d'œil. Le patron voulait être tranquille, parfait, ça les arrangeait aussi. Quand le chat n'est pas là. Sibyl se plaisait bien dans cette ville balnéaire. Il était encore tôt pour la saison. La plage restait déserte. L'eau était bien trop froide en ce tout début d'été. La ville, par contre, débordait d'animation. Des centaines de congressistes déambulaient et se bousculaient aux terrasses des cafés. Sibyl coulait des jours paisibles, loin des obligations quotidiennes. Elle avait adopté un rythme lent, décalé, quand toute la ville s'affairait et s'agitait. Le temps passait vite. Elle ne s'ennuyait pas une seconde. Les distractions ne manquaient pas. Lécher les premières glaces de l'année, lire, écrire des cartes postales, s'acheter des chapeaux de soleil, des bijoux en coquillage. Minuit, 1 heure du matin. Son amant rentrait enfin. Il la prenait dans ses bras en bâillant épuisé, n'aspirant qu'à dormir. Attendrie, Sibyl humait avec délice son odeur aimée entre toutes. Elle le couvrait de baisers et de caresses, l'étouffait. Il grognait, la repoussait gentiment. « Je suis crevée, grosse journée demain, ne m'en veux pas. » Il enfilait son pyjama, s'endormait aussitôt. Elle le regardait longtemps, résistant difficilement à l'envie de caresser son dos, d'embrasser son cou. Seule la retenait la peur de l'exaspérer et de devoir faire ses valises. Elle se concentrait sur le meilleur moment de la journée, le petit déjeuner pris ensemble, dans la chambre. Il avait déjà l'œil rivé sur son téléphone, mais il était tellement sexy dans son costume. Les journées défilaient, intenses et exténuantes pour lui, agréables et nonchalantes pour elle. Elle réalisa que c'était la dernière soirée du séjour. Elle n'avait pas encore goûté au plaisir de se promener le long de la plage sous les étoiles, même seule. Ce serait dommage de manquer ça. Elle referma son ordinateur et se décida à sortir sur le champ. Il était déjà tard. Elle n'eut pas le loisir d'aller loin, stoppée dans son élan dès la sortie de l'ascenseur, sa chanson préférée. Le bar avait renoncé au jazz et diffusait des musiques bien plus entraînantes. Malheureusement, les lieux étaient déserts. Il y avait peu de chances que le hall de l'hôtel se transforme en boîte de nuit. Accoudé au comptoir, un jeune homme sirotait un cocktail. Il l'interpella. « Bonsoir, je peux vous offrir un verre ? En fait, j'allais sortir, mais cette musique me donne envie de danser. »« Ça peut s'arranger, » fit-il en se levant et lui tendant la main. Sibyl se sentait gênée. Qu'allait penser le barman, le réceptionniste ? Mais elle finit par accepter avec joie. Impossible de refuser une invitation sur cette musique-là. En plus, il ne risquerait pas de se cogner contre d'autres couples. Julien se révéla très bon danseur de rock et la soirée s'écoula agréablement entre danse, cocktail, confidence. Sibyl avait le tournis. Elle se sentait légèrement éméchée et souriait à ce cavalier inespéré. C'est alors que son amant rentra, tout aussi fourbu et saturé de contacts professionnels que les autres soirs, pressé de se glisser sous la couette après un bisou rapide à sa maîtresse. Il franchit avec soulagement la porte de verre, s'apprêta à prendre l'ascenseur, puis s'immobilisa, stupéfait. C'était bien elle en train de danser comme une folle devant la réception avec un belâtre au sourire niais. Son sang ne fit qu'un tour. Il n'avait pas réalisé qu'elle pourrait plaire à un autre, plus disponible, plus fêtard. Il pouvait la perdre. Toute sa fatigue s'envola comme par magie. Il fonça vers elle. L'enlaça, l'embrassa passionnément, sous les yeux médusés de l'inconnu. Sibyl éclata de rire, ravie. Laurent aurait voulu l'emporter sur son épaule, comme dans les vieux westerns, mais il craignit pour son dos. Il se contenta de lui broyer la main et de la faire courir. Cette fois, il allait s'offrir à ses baisers sans fin, à ses caresses. Il passerait une nuit blanche. Il dormirait le lendemain dans le train. Sibyl fit un signe d'excuse à son danseur, puis se laissa entraîner en riant sous cap. Comme son amant semblait pressé de remonter dans leur chambre. Tu m'as bien oublié ce soir, on dirait, lui fit-il remarquer. J'ai interrompu quelque chose? Je commençais à m'ennuyer seule la journée et puis toutes ces soirées à t'attendre. J'avais prévu de sortir, mais ils ont passé cette chanson, tu sais, celle qu'on adore, toi et moi, et... Laurent la coupa. Il n'avait pas envie d'en savoir plus. Il la revoyait danser avec un plaisir évident, tournoyer dans les bras d'un autre homme, lui plaire. Il en devenait fou. Je sais, j'ai été peu disponible pour toi cette semaine. Comment me faire pardonner? Sibyl ouvrit la bouche avant de se raviser. Son regard malicieux n'augurait rien de bon. Laurent insista, curieux. Dis-moi, n'aie pas peur, je peux tout entendre. Un week-end à Venise? Non, je rigole. Un mariage? Devant l'air épouvanté de Laurent, Sibyl gloussa, se reprit. Mais non, je te taquine. Je tiens à ma liberté, moi. Non, c'est autre chose. J'hésite. Je t'écoute, je ferai tout pour toi. Sibyl secoua la tête, amusée. Jusqu'où était-il prêt à aller? L'inquiétude se révélait un puissant filtre d'amour. Tu te souviens de l'homme avec lequel je dansais dans le hall? J'aimerais qu'on l'invite à prendre un verre et à me prendre moi aussi, peut-être. Laurent broncha, paralysé par un flux d'émotions contradictoires. La jalousie lui mordait le cœur, tandis que son sexe devenait dur comme du marbre. Un silence épais s'installa, insoutenable. Les oreilles de Sibyl bourdonnaient, elle percevait les battements de son cœur. Elle était allée trop loin. Elle allait le rassurer quand il répondit d'une voix sourde. D'accord, mais laisse-moi te faire l'amour avant. Non, tu as besoin de toute ton énergie. Je vais tout de suite le chercher avant que tu ne changes d'avis et qu'il s'en aille. Laurent tenta vainement de la retenir. Elle était déjà partie, agitant gracieusement la main. Je ne serai pas longue. Sa maîtresse possédée par un inconnu, sous ses yeux. Il résista à l'envie de se caresser et s'allongea sur le lit en soupirant. Elle le rendait dingue. Sibyl ne perdit pas un instant. Elle se mit à courir le long de l'interminable couloir. Et si Julien n'était plus là? Elle ne connaissait que son prénom. Son inquiétude fut de courte durée. Elle se réjouit de retrouver sa silhouette accoudée au bar. Elle ralentit son pas, rassembla tout son courage et le rejoignit. Il se tourna vers elle avec un grand sourire. Je suis ravie de vous revoir. J'aimerais vous offrir un autre verre, mais je crains que le bar soit fermé. J'allais monter dans ma chambre et vous apparaissiez alors que je pensais à vous. Quel bon vent vous ramène vers moi? Sibyl baissa les yeux avec un air faussement contrit, terriblement espiègle en réalité. Irrésistible. Julien aurait aimé se pencher vers elle et déposer un baiser sur cette bouche mutine. Qu'avait-elle donc en tête? Sibyl s'éclaircit la voix, se jeta à l'eau. Puisque le bar est fermé, nous aimerions vous inviter à boire une coupe de champagne dans notre suite, et plus peut-être si affinité. Seriez-vous tenté? Julien ne répondit pas. Il ne souriait plus, hésitant à comprendre. Il se leva, lui tendit la main. Sibyl avait déjà tenu sa main chaude et douce en dansant le rock avec lui un peu plus tôt, mais cette fois son cœur se mit à battre plus vite. Cette main serait bientôt posée sur sa peau. Elle ne parvenait plus à le regarder dans les yeux. Le sexe de cet inconnu allait se planter dans le sien, sous le regard de son bien-aimé. Elle espérait provoquer chez Laurent un électrochoc. S'il tenait à elle, il arrêterait de la traiter avec tant de négligence et de désinvolture, comme si elle était acquise pour toujours. Il ouvrirait les yeux. Elle pouvait plaire à un autre homme, à un homme qui la désirait, la ferait jouir, l'aimerait peut-être. Il en souffrirait sans doute brièvement, et Sibyl renverrait Julien. La leçon aurait porté, elle s'attacherait à réconforter son amant. C'était le plan. Elle devait s'avouer aussi qu'elle était tentée de sentir le corps de Julien contre le sien depuis qu'elle avait pris ses mains, croisé ses yeux, et cela en dehors de toute arrière-pensée sur sa relation avec Laurent. Elle voulait cet inconnu, au-delà des bonnes raisons qu'elle se donnait, avec la bénédiction de Laurent, si c'était possible, sinon elle s'en passerait. En chemin, elle lui donna sa carte. « Mon numéro, au cas où. » Julien la rangea en silence dans sa veste, lui donna la sienne en échange. S'il se contentait de boire un verre, il la recontacterait, il se le promettait. Il profita de la fermeture des portes de l'ascenseur pour la presser contre lui. « Je peux t'embrasser pendant qu'on est seul ?» Il appuya sur le 11e étage et, sans attendre sa réponse, l'embrassa timidement. Ils firent plusieurs voyages en apesanteur avant que Sibyl ne redescende sur Terre. Cela faisait combien de temps qu'ils s'embrassaient comme des adolescents ? Laurent allait s'inquiéter, la chercher, appeler l'ascenseur peut-être. Elle réussit à repousser Julien, remit de l'ordre dans sa coiffure. Direction le 4e étage cette fois. On y va ? Julien lui vola un dernier baiser, puis la suivit dans le dédale de couloirs. Sibyl se dépêchait, inquiète d'avoir tardé. Elle fut rassurée en ouvrant la porte. Laurent avait allumé des bougies parfumées. Une lumière dorée baignait la pièce. Le room service avait eu le temps de passer. Trois couples les attendaient autour d'une bouteille de champagne. Laurent les remplit aussitôt, les leur tendit en silence. Ils trinquèrent, signant leur pacte secret pour cette nuit, seulement cette nuit. Laurent ouvrit le bal en déposant un baiser dans le cou de Sibyl. Elle ferma les yeux de délices et pour s'offrir plus facilement aux caresses des deux hommes. Un second baiser suivit, plus léger celui-là, comme un écho du premier. Elle s'abandonnait aux bouches qui l'embrassaient sans s'arrêter désormais, descendant peu à peu vers son décolleté. Elle ne distinguait plus celle de son amant de celle de Julien. Des lèvres chaudes déposaient des dizaines de baisers sur sa peau. Des mains faisaient glisser sa robe, ses bas, caressaient la chair tendre entre les cuisses. Les garçons ne disaient rien, mais leur souffle s'accélérait. Un soupir parfois leur échappait. L'appréhension laissait la place au désir. Sibyl ne pensait plus aux défauts de sa peau, de son corps. Elle éprouvait le désir d'être palpée partout, possédée. Qu'ils perdent toute retenue, empoignent ses seins, ses fesses, qu'ils ouvrent ses cuisses, la prennent fort. Ils se montrèrent infiniment doux, au contraire, intimidés sans doute par la situation. L'abandon de Sibyl, sa confiance, le pouvoir dont ils disposaient et dont ils n'usèrent pas. Il préférait se laisser guider par ses soupirs, ses petits gémissements, ses exclamations timides, ses appels pudiques, qu'il l'était de moins en moins. Laurent, qui la connaissait bien, savait comment réveiller la tigresse assoupie en elle, celle qui allait ensuite les violer, les mettre en pièces. Il descendit entre ses jambes, abandonnant ses seins, son ventre, aux seuls soins de Julien. Lui écartant délicatement les cuisses, il se mit à souffler sur son sexe clos, puis à l'effleurer doucement de ses lèvres en une caresse d'une douceur insupportable. Déjà, le joli sexe oblong s'entr'ouvrait d'attente. Sibyl gémit, souleva son bassin pour réclamer un coup de langue plus affirmé. Laurent sourit. Son amante était sur le point de dépasser le point de non-retour. Elle ne pourrait alors plus rien lui refuser. Il savait jouer de son corps en virtuose, faire vibrer chaque corde. Mais cette fois, la donne avait changé. Sibyl était à la recherche d'un plaisir plus intense, encore inédit. Elle embrassait Julien à pleine bouche, tendait en même temps sa poitrine vers les mains du garçon. Les emprisonnant dans les siennes, elle encouragea celui-ci à lui presser les seins avec force et compenser ainsi l'excès de douceur de la langue de son amant. Le sang de Laurent ne fit qu'un tour. Ce baiser d'amoureux n'était pas prévu au programme. Il n'avait pas sa place ici. Laurent devait tout faire pour interrompre ce baiser qui le ravageait. Sa langue se fit plus drue. Il se mit à laper plus vite. Le temps de compter jusqu'à 10 et il allait la faire jouir. Il était d'accord pour que l'inconnu la prenne, la possède, la caresse, mais il n'était pas question de tendresse. Avec ce baiser, Sibyl outrepassait les limites, le trahissait. Il la sentit se tendre. La jeune femme lui emprisonna la tête entre ses cuisses pour le retenir. Elle se méfiait. Elle soupçonnait qu'il était contrarié et elle n'en était que plus excitée. Mais Laurent ne ralentit pas sa cadence. Il l'accéléra, au contraire. Sibyl eut un orgasme violent qui le réjouit et qui l'accompagna jusqu'au bout de ses coups de langue passionnés. Il ne la lâchait pas, la maintenait fermement, tandis qu'elle se tordait en proie aux affres du plaisir. Elle parut se calmer, mais plus survoltée que jamais, elle appela son amant en elle, de toutes ses forces. Il se rendit, glissa son sexe entre les lèvres trempées de mouille et de la salive déposée par sa langue. Il l'aima avec fougue, les yeux plissés, luttant contre la jouissance. Concentrés sur leur plaisir, ils avaient oublié l'inconnu du bar. Julien, terriblement excité, perdait toute retenue. Il se dévêtit, s'installa à genoux tout près de la tête de Sibylle. Il continuait à lui malaxer les seins. Plongé dans une transe hypnotique, son pénis se dressait, enflé, oscillait, effleurait la joue de Sibylle, la tapotait comme s'il toquait à la porte. Sibylle sourit, déposa un baiser léger sur le sexe palpitant et plein d'espoir. Il était bienvenu. Le phallus s'enhardit, força la bouche entr'ouverte, entama un va-et-vient encore timide. Leur manège n'avait pas échappé à Laurent. Fouetté par cette vision, il glissa ses mains sous les fesses de Sibylle. Son sexe à nouveau dur s'enfonça dans l'orifice vaginal. Il la prit vigoureusement, tandis que la bouche de Sibylle allait et venait sur le sexe de Julien au rythme des coups de boutoir de son amant. Les hommes se laissaient emporter. On n'entendait plus que leur souffle, leurs gémissements, des bruits de chair mouillée. Laurent voulait voir son amante se faire posséder par l'inconnu, l'entendre crier sous les assauts d'un autre. Il souhaitait aller jusqu'au bout de cette expérience maintenant qu'ils avaient commencé. Il fit un signe à Julien, et les deux hommes, sans un mot, échangèrent leur place. Sibylle gémit de frustration au moment où les deux verges la quittèrent, mais cette sensation de vide ne dura qu'un instant. Elle reconnut bientôt dans sa bouche le goût du sexe aimé de son amant, son odeur, sa texture, tandis que le membre plus épais de Julien s'introduisait à son tour dans son intimité. Ils s'immobilisèrent, n'osant bouger. Puis, le sexe de Julien se mit à coulisser dans le sien, avec lenteur, l'amenant au bord de la jouissance. Avec la même lenteur, elle suçait avec ferveur la verge de son amant. Jamais elle ne l'avait autant aimé. Laurent répondit à cet amour fou en s'enfonçant loin dans la gorge de sa maîtresse, laquelle suffoquait mais s'offrait avec fougue. Julien la possédait ardemment, mais ses doigts la caressaient avec la plus grande douceur. L'orgasme cette fois fut long à venir. Sibylle avait tant joui déjà. Il n'en fut que meilleur, une jouissance venant de très loin, grondant dans son ventre longtemps avant d'exploser dans tout son corps, pendant d'infinies secondes. Sibylle riait, se tordait de plaisir, avouait à Laurent combien elle l'aimait. Julien, d'un coup de rein libérateur, explosa littéralement en elle, en râlant. Ce cri de mâle se mêlant au gémissement de la petite femelle en chaleur affola Laurent. Il avait envie de la prendre par les fesses, de profiter de leur nuit de folie pour oser la sodomiser. Sibylle avait interrompu sa fellation depuis un moment pour crier tout à son aise, évacuer toute la tension de son orgasme. Éviter de le mordre, aussi. Elle ne lui offrait plus que ses mains, qui le pressaient avec force. Bientôt ses doigts, ses seins, son cou furent inondés par le sperme épais et tiède de son amant, qui jaillissait sans fin en une douche joyeuse et vivifiante. Sibylle sourit. Sa bouche chercha de nouveau la verge pour la lécher, la boire, la nettoyer, tandis qu'elle perdait de sa dureté. Elle raffolait de son goût boisé. Elle voulut goûter Julien aussi. Elle découvrait qu'elle n'aimait plus seulement son amant, mais tous les hommes, sans exception, leur sexe, le goût de leur semence. Elle les voulait tous. Sibylle demanda à Julien de s'approcher. Il s'installa en face de Laurent, de l'autre côté de son visage. Elle l'invita à pénétrer à nouveau dans sa bouche, désireuse d'emplir ses narines de son odeur et de le goûter de sa langue. Il était savoureux lui aussi. Peut-être qu'en le suçant, elle parviendrait à ranimer ce sexe, à le faire durcir, gonfler. Mais Laurent ne l'entendait pas de cette oreille. Il la voulait pour lui seul à présent. Il avait envie de la dorloter, la câliner, la sodomiser. D'un coup d'œil, il signifia son congé à Julien. Le jeune homme se rhabilla, le cœur lourd. Sibylle ne le quittait pas des yeux, lui souriant en douce, lui promettant en silence de le revoir. Quand il disparut, elle se jeta sur Laurent et le dévora de baisers. Mais elle ne pensait qu'à Julien. Ils se reverraient bientôt tous les trois à Paris, à deux et ou à trois.